L'empereur y était depuis la veille, car du 14 au 15, il avait couché dans un faubourg. À notre arrivée, nous y rencontrâmes des amis du 1er régiment de chasseurs qui étaient de piquet et qui nous retinrent à déjeuner. Nous y mangeâmes de bonnes viandes, chose qui ne nous était pas arrivée depuis longtemps. Nous y bûmes aussi d'excellents vins. Le juif que nous avions toujours gardé avec nous fut forcé, malgré toute sa répugnance, de manger avec nous et de goûter du jambon. Il est vrai de dire que les chasseurs, qui avaient beaucoup de lingots en argent, qui venaient de l'hôtel de la Monnaie, lui promirent de faire des échanges. Ces lingots étaient aussi gros qu'une brique et en avaient la forme. Il s'en est trouvé beaucoup. Il était près de midi que nous étions encore à table avec nos amis, le dos appuyé contre des grosses pièces de canon monstres, qui sont de chaque côté de la porte de l'arsenal qui est en face du palais, lorsqu'on cria « Aux armes !» Le feu était au Kremlin. Un instant après, des brandons de feu tombaient dans la cour, où se trouvait de l'artillerie de la garde, avec tous les caissons. À côté se trouvait une grande quantité d'étoupes, que les Russes avaient laissées, et dont déjà une partie était en flammes. La crainte d'une explosion occasionna un peu de désordre, surtout par la présence de l'empereur, que l'on força, pour ainsi dire, de quitter le Kremlin. Pendant ce temps, nous avions dit adieu à nos amis. Nous étions partis pour rejoindre le régiment. Notre guide, à qui nous avions fait comprendre l'endroit où il était, nous fit prendre une direction par où, nous disait-il, nous aurions plus court, mais il nous fut impossible d'y pénétrer. Nous en fûmes repoussés par les flammes. Il nous fallut attendre qu'un passage fût libre, car dans ce moment tout était en feu autour du Kremlin, et l'impétuosité du vent, qui depuis quelque temps soufflait d'une force extraordinaire, nous lançait des pièces de bois enflammées dans les jambes, ce qui nous força de nous abriter dans un souterrain où déjà beaucoup d'hommes étaient. Nous y restâmes assez longtemps, et lorsque nous en sortîmes, nous rencontrâmes les régiments de la garde, qui allaient s'établir dans les environs du château de Pertarskoe, où l'empereur allait loger. Un seul bataillon, le premier du 2e régiment de chasseurs, resta au Kremlin. Il préserva le palais de l'incendie, puisque l'empereur y rentra le 18 au matin. J'oubliais de dire que le prince de Neuchâtel, ayant voulu s'assurer de l'incendie qui était autour du Kremlin, avait monté avec un officier sur une des plateformes du palais, mais ils faillirent être enlevés par la violence du vent. Le vent et le feu continuaient toujours, mais un passage était libre. C'était celui par où l'empereur venait de sortir. Nous le suivîmes, et un instant après, nous nous trouvâmes sur les bords de la Moscova. Nous marchâmes le long des quais, que nous suivîmes, jusqu'au moment où nous trouvâmes une rue moins enflammée, ou une eau tout à fait consumée, car par celle que l'empereur venait de traverser, plusieurs maisons venaient de crouler après son passage, et qui empêchaient d'y pénétrer. Enfin, nous nous trouvâmes dans un quartier tout à fait en cendres, où notre juif tâcha de reconnaître une rue, qui devait nous conduire sur la place du gouvernement. Il eut beaucoup de peine d'en retrouver les traces. Dans la nouvelle direction que nous venions de prendre, nous laissions le Kremlin sur notre gauche. Pendant que nous marchions, le vent nous envoyait des cendres chaudes dans les yeux, et nous empêchait d'y voir. Nous nous enfonçâmes dans les rues, sans autre accident que d'avoir les pieds un peu brûlés, car il fallait marcher sur les plaques des toits, ainsi que sur les cendres qui étaient encore brûlantes et qui couvraient toutes les rues. Nous avions déjà parcouru un grand espace, quand tout à coup, nous trouvons notre droite à découvert. C'était le quartier des Juifs, où les maisons bâties toutes en bois et petites avaient été consumées jusqu'aux pieds. À cette vue, notre guide jette un cri et tombe sans connaissance. Nous nous empressâmes de le débarrasser de la charge qu'il portait. Nous en tirâmes une bouteille de liqueur et nous lui en fîmes avaler quelques gouttes. Ensuite, nous lui en versâmes sur la figure. Un instant après, il ouvrit les yeux. Nous lui demandâmes pourquoi il s'était trouvé malade. Il nous fit comprendre que sa maison était la proie des flammes, et que probablement sa famille avait péri. Et en disant cela, il retomba sans connaissance, de manière que nous fûmes obligés de l'abandonner malgré nous, car nous ne savions que devenir sans guide, au milieu d'un pareil labyrinthe. Il fallut cependant se décider à quelque chose. Nous fîmes prendre notre charge par un de nos hommes, et nous continuâmes à marcher, mais au bout d'un instant, nous fûmes forcés d'arrêter, ayant des obstacles à franchir. La distance à parcourir pour atteindre une autre rue était au moins de 300 pas. Nous n'osions franchir cet espace à cause des cendres chaudes qui allaient nous aveugler. Pendant que nous étions à délibérer, un de mes amis me propose de ne faire qu'une course. Je conseillais d'attendre encore. Les autres étaient de mon avis, mais celui qui m'avait fait cette proposition, voyant que nous étions irrésolus et sans nous donner le temps de la réflexion, se met à crier « Qui m'aime me suit ?» Et il s'élance au pas de course. L'autre le suit avec deux de nos hommes, et moi je reste avec celui qui avait la charge, qui consistait encore en 3 bouteilles de vin, 5 de liqueur et des fruits confits. Mais à peine ont-ils fait 30 pas que nous les vîmes disparaître à nos yeux. Le premier était tombé de tout son long. Celui qui l'avait suivi le releva de suite. Les deux derniers s'étaient cachés la figure dans leurs mains et avaient évité d'être aveugles par les cendres, comme le premier qui n'y voyait plus, car c'était par un tourbillon de cette poussière qu'ils avaient été enveloppés. Le premier, ne pouvant plus voir, criait et jurait comme un diable. Les autres étaient obligés de le conduire, mais ils ne purent le ramener ni revenir à l'endroit où j'étais avec l'homme et la charge. Et moi, je n'osais risquer de les joindre, car le passage devenait de plus en plus dangereux. Il fallut attendre plus d'une heure avant que je pusse aller à eux. Pendant ce temps, celui qui était devenu presque aveugle, pour se laver les yeux, fut obligé d'uriner sur un mouchoir, en attendant qu'il puisse les laver avec le vin que nous avions. Provisoirement, avec l'homme qui était resté avec moi, nous en vidâmes une bouteille. Lorsque nous fûmes réunis, nous vîmes qu'il y avait impossibilité d'aller plus avant sans danger. Nous décidâmes de retourner sur nos pas, mais au moment de retourner, nous eûmes l'idée de prendre chacun une grande plaque en tôle pour nous en couvrir la tête, en la tenant du côté où le vent, les flammes et les cendres venaient. Nous en prîmes donc chacun une. Après les avoir ployées pour nous en servir comme d'un bouclier, nous les appliquâmes sur nos épaules gauches, en les tenant des deux mains, de manière que nous avions la tête et la partie gauche garanties. Après nous être serrés les uns contre les autres, et en prenant toutes les précautions possibles pour ne pas être écrasés, nous nous mîmes en marche, un soldat en tête, ensuite moi tenant celui qui ne voyait presque pas, par la main, et les autres suivaient. Enfin nous traversâmes avec beaucoup de peine et non sans avoir failli être renversés plusieurs fois. Lorsque nous eûmes traversé, nous nous trouvâmes dans une nouvelle rue, où nous aperçûmes plusieurs familles juives et quelques Chinois accroupis dans des coins, gardant le peu d'effets qu'ils avaient sauvés ou pris chez les autres. Ils paraissaient surpris de nous voir. Probablement qu'ils n'avaient pas encore vu de Français dans ce quartier. Nous approchâmes d'un juif. Nous lui fîmes comprendre qu'il fallait nous conduire sur la place du gouvernement. Un père y vint avec son fils, et comme dans ce labyrinthe de feu, les rues étaient coupées quelquefois par des maisons écroulées ou par d'autres enflammées, ce ne fut qu'après des détours et de grandes difficultés de trouver des issues, et après nous être reposés plusieurs fois, que nous arrivâmes à 11 heures de la nuit, à l'endroit d'où nous étions partis la veille. Depuis que nous étions arrivés à Moscou, je n'avais pas, pour ainsi dire, pris de repos. Aussi je me couchais sur de belles fourrures que nos soldats avaient rapportées en quantité, et je dormis jusqu'à 7 heures du matin. La compagnie n'avait pas encore été relevée de service, vu que tous les régiments, ainsi que les fusiliers et même la jeune garde, à la disposition du maréchal Mortier, qui venait d'être nommé gouverneur de la ville, étaient occupés depuis 36 heures à comprimer l'incendie, qui, lorsque l'on avait fini d'un côté, recommençait d'un autre. Cependant, l'on conserva assez d'habitations, et même au-delà de ce qu'il fallait, pour se loger. Mais ce ne fut pas sans mal, car Rostopchin avait fait emmener toutes les pompes. Il s'en trouva encore quelques-unes, mais hors de service. Pendant la journée du 16, l'ordre avait été donné de fusiller tous ceux qui seraient pris mettant le feu. Cet ordre avait aussitôt été mis à exécution. Pas loin de la place du gouvernement se trouvait une autre petite place où quelques incendiaires avaient été fusillés et pendus ensuite à des arbres. Cet endroit s'appela toujours la place des pendus. Le jour même de notre entrée, l'empereur avait donné l'ordre au maréchal Mortier d'empêcher le pillage. Cet ordre avait été donné dans chaque régiment, mais lorsque l'on sut que les Russes eux-mêmes mettaient le feu à la ville, il ne fut plus possible de retenir le soldat. Chacun prit ce qui lui était nécessaire, et même des choses dont il n'avait pas besoin. Dans la nuit du 17, le capitaine me permit de prendre 10 hommes de corvée avec leurs sabres pour aller chercher des vivres. Il en envoya 20 d'un côté, parce que la maraude ou le pillage, comme on voudra, était permis, mais en recommandant d'y mettre le plus d'ordre possible. Me voilà donc encore parti pour la 3e course de nuit. Nous traversâmes une grande rue tenant à la place où nous étions. Quoique le feu y avait été mis 2 fois, l'on était parvenu à s'en rendre maître, et depuis ce moment l'on avait été assez heureux de la préserver. Aussi plusieurs officiers supérieurs, ainsi qu'un grand nombre d'employés de l'armée, y avaient pris leur domicile. Nous en traversâmes encore d'autres, où l'on ne voyait plus que la place marquée par les plaques en tôle des toits. le vent de la journée précédente en avait balayé les cendres. Nous arrivâmes dans un quartier où tout était encore debout. L'on n'y voyait que quelques voitures d'équipage sans chevaux. Le plus grand silence y régnait. Nous visitâmes les voitures. Il ne s'y trouvait rien. Mais à peine les avions-nous dépassés qu'un cri féroce se fit entendre derrière nous et fut répété deux fois et à deux distances différentes. Nous écoutâmes quelque temps et nous n'entendîmes plus rien. Alors nous nous décidâmes à entrer dans deux maisons, moi avec cinq hommes dans la première et un caporal avec les cinq autres dans l'autre. Nous allumâmes des lanternes dont nous étions munis et le sabre en main, nous nous disposâmes à entrer dans celle qui nous paraissait devoir renfermer des choses qui pouvaient nous être utiles. Celle où je voulais entrer était fermée, et la porte garnie de grandes plaques de fer. Cela nous contraria un peu, vu que nous ne voulions pas faire de bruit en l'enfonçant. Mais, ayant remarqué que la cave, dont la porte donnait sur la rue, était ouverte, deux hommes y descendirent. Ils y trouvèrent une trappe qui communiquait dans la maison, de manière qu'il leur fut facile de nous ouvrir la porte. Nous y entrâmes, et nous vîmes que nous étions dans un magasin d'épicerie. Rien n'avait été dérangé dans la maison. Seulement, dans une chambre à manger, il y avait un peu de désordre. De la viande cuite était encore sur la table. Plusieurs sacs remplis de grosses monnaies étaient sur un coffre. Peut-être que l'on n'avait pas voulu, ou que l'on avait pu les emporter. Après avoir visité toute la maison, nous nous disposâmes à faire nos provisions, car nous y trouvâmes de la farine, du beurre, du sucre en quantité et du café, ainsi qu'un grand tonneau rempli d'œufs, rangé par couches, dans de la paille d'avoine. Pendant que nous étions à faire notre choix, sans disputer sur le prix, car il nous semblait que nous pouvions disposer de tout, puisqu'on l'avait abandonné et que, d'un moment à l'autre, cela pouvait devenir la proie des flammes, le caporal qui était entré d'un autre côté m'envoya dire que la maison où il était celle d'un carrossier où se trouvaient plus de 30 petites voitures élégantes, que les Russes appellent « droutski ». Il me fit dire aussi que dans une chambre, il y avait plusieurs soldats russes de coucher sur des nattes de joncs. Mais qu'ayant été surpris de voir des Français, il s'était mis à genoux, les mains croisées sur la poitrine et le front contre terre pour demander grâce, mais que, voyant qu'ils étaient blessés, il leur avait porté des secours en leur donnant de l'eau, vu l'impossibilité où ils étaient de s'en procurer eux-mêmes, tant leurs blessures étaient graves, et que, par la même raison, ils ne pouvaient nous nuire. Je fus de suite chez le carrossier faire le choix de deux jolies petites voitures fort commodes, afin d'y mettre les vivres que nous trouvions et de pouvoir les transporter plus à notre aise. Je vis les blessés. Parmi eux se trouvaient cinq canonniers de la garde avec les jambes brisées. Ils étaient au nombre de 17. Beaucoup étaient asiatiques, faciles à reconnaître à leur manière de saluer. Comme je sortais de la maison avec mes voitures, j'aperçus trois hommes, dont un armé d'une lance, le second d'un sabre et le troisième d'une torche allumée, mettant le feu à la maison de l'épicier sans que les hommes que j'avais laissés dedans s'en fussent aperçus, tant ils étaient occupés à emballer et à faire choix des bonnes choses qui s'y trouvaient. En les voyant, nous jetâmes un grand cri pour épouvanter ces trois coquins. Mais à notre surprise, pas un ne bougea. Ils nous regardèrent venir tranquillement, et celui qui était armé d'une lance se mit fièrement en posture de vouloir se défendre si nous approchions. Cela nous était assez difficile, vu que nous n'avions que nos sabres. Mais le caporal arriva avec deux pistolets chargés qu'il venait de trouver dans la chambre où étaient les blessés. Il m'en donna un, et avec celui qui lui restait, il voulait abattre celui qui était armé d'une lance. Mais je l'en empêchai pour le moment, ne voulant pas faire de bruit, dans la crainte qu'il ne nous en tombât un plus grand nombre sur les bras. Voyant cela, un Breton, qui se trouvait parmi nos hommes, se saisit d'un petit timon d'une des petites voitures, et faisant le moulinet, il avança contre l'individu, qui ne connaissant rien à cette manière de combattre, eut au même instant les deux jambes brisées. Il jeta en tombant un cri terrible, mais le Breton en colère ne lui laissa pas le temps d'en jeter un second, car il lui asséna un second coup tellement violent sur la tête qu'un boulet de canon n'aurait pu mieux faire. Il allait en faire autant des deux autres si nous ne l'avions arrêté. Celui qui avait une torche à la main ne voulait pas s'en dessaisir. Il se sauva avec son brandon enflammé dans l'intérieur de la maison de l'épicier, où deux hommes le poursuivirent. Il ne fallut pas moins de deux coups de sabre pour le mettre à la raison. Tant qu'au troisième, il se soumit de bonne grâce, et fut aussitôt attelé la voiture la plus chargée, avec un autre individu que l'on venait de saisir dans la rue. Nous disposâmes tout pour notre départ. Nos deux voitures étaient chargées de tout ce que renfermait le magasin. Sur la première, où nous avions attelé nos deux Russes, et qui était la plus chargée, nous avions mis le tonneau rempli d'œufs. et pour ne pas que nos conducteurs puissent se sauver, nous avions eu la sage précaution de les attacher par le milieu du corps avec une forte corde et à double nœud. La seconde devait être conduite par 4 hommes de chez nous, en attendant que nous puissions trouver un attelage comme la première. Mais voilà qu'au moment où nous allions partir, nous apercevons le feu à la maison du carrossier. L'idée que les malheureux allaient périr dans des douleurs atroces nous força de nous arrêter et de leur porter des secours. Nous y fûmes de suite, ne laissant que 3 hommes pour garder nos voitures. Nous transportâmes les pauvres blessés sous une remise séparée du corps des bâtiments. C'est tout ce que nous pûmes faire. Après avoir rempli cet acte d'humanité, nous partîmes au plus vite afin d'éviter que notre marche ne soit interceptée par l'incendie, car on voyait le feu à plusieurs endroits et dans la direction que nous devions parcourir. Mais à peine avions-nous fait 25 pas que les malheureux blessés que nous venions de transporter jetèrent des cris effrayants. Nous nous arrêtâmes encore afin de voir de quoi il était question. Le caporal y fut avec 4 hommes. C'était le feu qui avait pris à la paille qui était en quantité dans la cour et qui gagnait l'endroit où étaient ces malheureux. Il fit avec ses hommes tout ce qu'il était possible de faire afin de les préserver d'être brûlés. Ensuite, ils vinrent nous rejoindre, mais il est probable qu'ils auront péri. Nous continuâmes notre route et dans la crainte d'être surpris par le feu, nous faisions trotter notre premier attelage à coups de plat de sabre. Cependant, nous ne pûmes l'éviter, car lorsque nous fûmes dans le quartier de la place du gouvernement, nous nous aperçûmes que la grande rue, où beaucoup d'officiers supérieurs et des employés de l'armée s'étaient logés, était tout en flammes. C'était pour la 3e fois que l'on y mettait le feu. Mais aussi, ce fut la dernière. Lorsque nous fûmes à l'entrée, nous remarquâmes que le feu n'était mis que par intervalle et que l'on pouvait, en courant, franchir les espaces où il faisait ses ravages. Les premières maisons de la rue ne brûlaient pas. Arrivés à celles qui étaient en feu, nous nous arrêtâmes afin de voir si l'on pouvait, sans s'exposer, les franchir. Déjà plusieurs étaient croulées. Celles sous lesquelles ou devant lesquelles nous devions passer menaçaient aussi de s'abîmer sur nous et de nous engloutir dans les flammes. Cependant, nous ne pûmes rester longtemps dans cette position, car nous venions de nous apercevoir que la partie des maisons que nous avions passées en entrant dans la rue était aussi en feu. Ainsi, nous étions pris non seulement devant et derrière, mais aussi à droite et à gauche, et au bout d'un instant, partout ce n'était plus qu'une voûte de feu sous laquelle il fallait passer. Il fut décidé que les voitures passeraient en avant. Nous voulûmes que celle à laquelle étaient attelés les Russes passe à la première, et malgré quelques coups de plat de sabre, ils firent des difficultés. L'autre, qui était conduite par nos soldats, se porta en avant, et s'excitant l'un et l'autre, ils franchirent le plus heureusement possible l'endroit le plus dangereux. Voyant cela, nous redoublâmes 2 coups sur les épaules de nos Russes, qui, craignant quelque chose de pire, s'élancèrent en criant « Hourra !» et passèrent au plus vite, non sans avoir senti la chaleur, et courut de grands dangers, à cause qu'il se trouvait différents meubles qui venaient de rouler dans la rue. À peine la dernière voiture fut-elle passée, que nous traversâmes la même distance au pas de course. Alors nous nous trouvâmes dans un endroit qui formait 4 coins, et 4 rues larges et longues que nous apercevions tout en feu. Et quoique pour le moment il tombât de l'eau en abondance, l'incendie n'en allait pas moins son train, car à chaque instant l'on voyait des habitations et même des rues entières disparaître dans la fumée et dans les décombres. Il fallait cependant avancer et gagner au plus vite l'endroit où était le régiment. Mais nous vîmes avec peine que la chose était impraticable, et qu'il fallait attendre que toute la rue fût réduite en cendres pour avoir un passage libre. Il fut décidé de retourner sur nos pas. C'est ce que nous fîmes de suite. Arrivés à l'endroit où nous avions passé, les Russes, cette fois, dans la crainte de recevoir une correction, n'hésitèrent pas à passer les premiers. Mais à peine ont-ils parcouru la moitié de l'espace qu'il fallait pour arriver au lieu de sûreté, et au moment où nous allions les suivre dans ce dangereux passage, qu'un bruit épouvantable se fait entendre. C'était le craquement des voûtes et la chute des poutres brûlantes et des toits de fer qui croulaient sur la voiture. En un instant, tout fut anéanti, jusqu'au conducteur que nous ne cherchâmes plus à revoir. Mais nous regrettâmes nos provisions, surtout nos œufs. Il me serait impossible de dépeindre la situation critique où nous nous trouvions. Nous étions bloqués par le feu et sans aucun moyen de retraite. Heureusement pour nous, qu'à l'endroit où étaient les 4 coins de rue, il se trouvait une distance assez grande pour être à l'abri des flammes, de manière à pouvoir attendre qu'une rue fût entièrement brûlée pour nous ouvrir un passage. Pendant que nous attendions un moment propice pour nous échapper, nous remarquâmes qu'une de nos maisons, qui faisait le coin d'une rue, était la boutique d'un confiseur italien. Et quoique sur le point d'être rôti, nous pensâmes qu'il serait bon de sauver quelques pots de bonnes choses qui pouvaient s'y trouver, si toutefois il y avait possibilité. La porte était fermée. Au premier étage, une croisée était ouverte. Le hasard nous procura une échelle, mais elle était trop courte. On la posa sur un tonneau qui se trouvait contre la maison. Alors elle fut longue assez pour que nos soldats pussent y arriver et entrer dedans. Quoiqu'une partie fût déjà en flammes, rien ne les arrêta. Ils ouvrirent la porte et nous remarquâmes, à notre grande surprise et satisfaction, que rien n'avait été enlevé. Nous y trouvâmes toutes sortes de fruits confits et beaucoup de liqueurs, du sucre en quantité. Mais ce qui nous fit le plus grand plaisir, et qui nous étonna le plus, fut 3 grands sacs de farine. Notre surprise redoubla en trouvant des pots de moutarde de la rue Saint-André-des-Arts, numéro 13 à Paris. Nous nous empressâmes de vider toute la boutique, et nous en fîmes un magasin au milieu de la place où nous étions, en attendant qu'il nous fût possible de faire transporter le tout où était notre compagnie. Comme il continuait toujours à tomber de l'eau, nous fîmes un abri avec les portes de la maison, et nous établîmes notre bivouac, où nous restâmes plus de 4 heures en attendant qu'un passage fût libre. Pendant ce temps, nous fîmes des beignets à la confiture, et lorsque nous pûmes partir, nous emportâmes sur nos épaules tout ce qu'il fut possible de prendre. Nous laissâmes notre autre voiture et nos sacs de farine sous la garde de 5 hommes, pour venir ensuite avec d'autres les chercher. Pour la voiture, il était de toute impossibilité de s'en servir, vu que le milieu de la rue où il fallait passer était embarrassé par quantité de beaux meubles brisés et à demi brûlés, des pianos, des lustres en cristal et une infinité d'autres choses de la plus grande richesse. Enfin, après avoir passé la place des pendus, nous arrivâmes où était la compagnie à 10 heures du matin. Nous en étions partis la veille à 10 heures. Aussitôt notre arrivée, nous ne perdîmes pas de temps pour envoyer chercher tout ce que nous avions laissé en arrière. 10 hommes partirent de suite. Ils revinrent 1 heure après, avec chacun une charge, et malgré tous les obstacles, ils ramenèrent la voiture que nous y avions laissée. Ils nous contèrent qu'ils avaient été obligés de débarrasser la place où la première voiture avait été écrasée avec les Russes, et que ces derniers étaient tous brûlés, calcinés et raccourcis. Le même jour, 18, nous fûmes relevés du service de la place, et nous fûmes prendre possession de nos logements, pas loin de la première enceinte du Kremlin, dans une belle rue dont une grande partie avait été préservée du feu. L'on désigna pour notre compagnie un grand café, car dans une des salles, il y avait 2 billards, et pour nous autres sous-officiers, la maison d'un boyard tenant à la première. Nos soldats démontèrent les billards pour avoir plus de place. Quelques-uns, avec le drap, se firent des capotes. Nous trouvâmes dans les caves de l'habitation de la compagnie une grande quantité de vin, de rhum, de la Jamaïque, ainsi qu'une grande cave remplie de tonnes d'excellentes bières, recouvertes de glace pour la tenir fraîche pendant l'été. Chez notre boyard, 15 grandes caisses de vin, de champagne mousseux et beaucoup de vin d'Espagne. Nos soldats, le même jour, découvrirent un grand magasin de sucre, dont nous eûmes soin de faire une grande provision qui nous servit à faire du punch. Pendant tout le temps que nous restâmes à Moscou, ce que nous n'avons jamais manqué un seul jour de faire en grande récréation. Tous les soirs, dans un grand vase en argent, que le boyard russe avait oublié d'emporter, et qui contenait au moins 6 bouteilles, nous en faisions pour le moins 3 ou 4 fois. Ajoutez à cela une belle collection de pipes dans laquelle nous fumions d'excellents tabacs. Le 19, nous passâmes la revue de l'empereur au Kremlin, et en face du palais. Le même jour au soir, je fus encore commandé, pour faire partie d'un détachement composé de fusiliers-chasseurs et grenadiers, et d'un escadron de lanciers polonais, en tout 200 hommes. Notre mission était de préserver de l'incendie le palais d'été de l'impératrice, situé à l'une des extrémités de Moscou. Ce détachement était commandé par un général que je pense être le général Kellermann. Nous partîmes à 8 heures du soir. Il en était 9 et demi lorsque nous y arrivâmes. Nous vîmes une habitation spacieuse qui me parut aussi grande que le château des Tuileries, mais bâtie en bois et recouverte d'un stuc qui faisait le même effet que le marbre. Aussitôt l'on disposa des gardes à l'extérieur, et l'on établit un grand poste en face du palais où se trouvait un grand corps de garde. L'on fit partir des patrouilles pour la plus grande sûreté. Je fus chargé avec quelques hommes de visiter l'intérieur, afin de voir s'il ne s'y trouvait personne de caché. Cette occasion me procura l'avantage de parcourir cette immense habitation, qui était meublée avec tout ce que l'Asie et l'Europe produisent de plus riche et de plus brillant. Il semblait que l'on avait tout prodigué pour l'embellir, et cependant, en moins d'une heure, elle fut entièrement consumée, car à peine y avait-il un quart d'heure que tout était disposé pour empêcher que l'on y mette le feu, qu'un instant après, il fut mis, malgré toutes les précautions que l'on avait prises, devant, derrière, à droite et à gauche, et sans voir qui le mettait. Enfin, il se fit voir en plus de 12 endroits à la fois. On le voyait sortir par toutes les fenêtres des greniers. Aussitôt, le général demande des sapeurs pour tâcher d'isoler le feu. Mais c'était impossible. Nous n'avions pas de pompe, ni même d'eau. Un instant après, nous vîmes sortir de dessous les grands escaliers, par un souterrain du château, et s'en aller tranquillement plusieurs hommes, dont quelques-uns avaient encore des torches en partie allumées. L'on courut sur eux et on les arrêta. C'étaient ceux qui venaient de mettre le feu au palais. Ils étaient 21. 11 furent arrêtés d'un autre côté, mais qui ne paraissaient pas sortir du château. Ils n'avaient rien sur eux qui indiquât qu'ils avaient participé à ce nouvel incendie. Cependant, plus de la moitié furent reconnus pour des forçats. Tout ce que nous pûmes faire fut de sauver quelques tableaux et d'autres objets précieux, parmi lesquels se trouvaient des ornements impériaux, comme manteaux en velours, doublés en peau d'hermine, ainsi que beaucoup d'autres choses non moins précieuses qu'il fallut ensuite abandonner. Il y avait peut-être une demi-heure que le feu avait commencé, qu'un vent furieux s'éleva, et en moins de 10 minutes, nous fûmes bloqués par un incendie général, sans pouvoir ni reculer ni avancer. Plusieurs hommes furent blessés par des pièces de bois enflammées, que la force du vent chassait avec un bruit épouvantable. Nous ne pûmes sortir de cet enfer qu'à 2 heures du matin, et alors plus d'une demi-lieue de terrain avait été la proie des flammes, car tout ce quartier était bâti en bois, et avec la plus grande élégance. Nous nous remîmes en route pour retourner dans la direction du Kremlin. En partant, nous conduisions avec nous nos prisonniers au nombre de 32, et comme j'avais été chargé de la garde de police pendant la nuit, je fus aussi chargé de l'arrière-garde et de l'escorte des prisonniers, avec ordre de faire tuer à coups de baïonnette ceux qui voudraient se sauver ou qui ne voudraient pas suivre. Parmi ces malheureux, il se trouvait au moins les 2/3 de forçats, avec des figures sinistres. Les autres étaient des bourgeois de la moyenne classe et de la police russe, faciles à reconnaître à leur uniforme. Pendant que nous marchions, je remarquai parmi les prisonniers un individu affublé d'une capote verte assez propre, pleurant comme un enfant et répétant à chaque instant en bon français « Mon Dieu, j'ai perdu dans l'incendie ma femme et mon fils ». Je remarquai qu'il regrettait davantage son fils que sa femme. Je lui demandai qui il était. Il me répondit qu'il était suisse et des environs de Zurich, instituteur des langues allemandes et françaises à Moscou, depuis 17 ans. Alors il continua à pleurer et à se désespérer en répétant toujours « Mon cher fils, mon pauvre fils ». J'eus pitié de ce malheureux. Je le consolai en lui disant que peut-être il les retrouverait, et comme je savais qu'il devait mourir comme les autres, je résolus de le sauver. À côté de lui marchaient 2 hommes qui se tenaient fortement par le bras, l'un jeune et l'autre déjà âgé. Je demandai au Suisse qui ils étaient. Il me dit que c'était le père et le fils, tous 2 tailleurs d'habits. Mais, me répondit-il, le père est plus heureux que moi. Il n'est pas séparé de son fils. Ils pourront mourir ensemble. Il savait le sort qui l'attendait, car comprenant le français, il avait entendu l'ordre que l'on avait donné pour eux. Au moment où il me parlait, je le vis s'arrêter tout à coup et regarder avec des yeux égarés. Je lui demandai ce qu'il avait. Il ne me répondit pas. Un instant après, un gros soupir sortit de sa poitrine, et il se mit de nouveau à pleurer en me disant qu'il cherchait l'emplacement de son habitation, que c'était bien là, qu'il le reconnaissait au grand poêle qui était encore debout, car il est bon de dire que l'on y voyait toujours comme en plein jour, non seulement dans la ville, mais loin encore.